et je ne vis que pour vous servir. Vous nous avez chanté à table une jolie chanson tout à l'heure. Pour qui est-ce donc qu'elle était faite? Me la voulez-vous donner par écrit? Elle est faite pour vous, madame. Je meurs d'amour et ma vie est à vous. Vraiment? Je croyais que votre refrain défendait de dire qui on aime. Oh, Jacqueline, ayez pitié de moi. Ce n'est pas d'hier que je souffre. Depuis 2 ans, à travers ces charmilles, je suis la trace de vos pas. Depuis 2 ans, sans que jamais, peut-être, vous ayez su mon existence. Vous n'êtes pas sorti ou rentré. Votre ombre tremblante et légère n'a pas paru derrière vos rideaux. Vous n'avez pas ouvert votre fenêtre. Vous n'avez pas remué dans l'air. Que je ne fusse là, que je ne vous ai vu, je ne pouvais approcher de vous. Mais votre beauté, grâce à Dieu, m'appartenait, comme le soleil à tous. Je la cherchais, je la respirais. Je vivais de l'ombre de votre vie. Vous passiez le matin sur le seuil de la porte. La nuit, j'y revenais pleurer. Quelques mots tombés de vos lèvres avaient pu venir jusqu'à moi. Je les répétais tout un jour. Vous cultiviez des fleurs, ma chambre en était pleine. Vous chantiez le soir au piano, je savais par cœur vos romances. Tout ce que vous aimiez, je l'aimais. Je m'enivrais de ce qui avait passé par votre bouche et dans votre cœur. Hélas, je vois que vous souriez. Dieu sait pourtant que ma douleur est vraie et que je vous aime à en mourir. Je ne souris pas de vous entendre dire qu'il y a 2 ans que vous m'aimez. Mais je souris de ce que je pense qu'il y aura 2 jours demain. Que je vous perde, si la vérité ne m'est aussi chère que mon amour. Que je vous perde s'il n'y a 2 ans que je n'existe que pour vous. Alors, levez-vous donc, qu'est-ce qu'on penserait de moi si on vous voyait? Non, je ne me lèverai pas, je ne quitterai pas cette place que vous ne croyez à mes paroles. Si vous repoussez mon amour, du moins n'en douterez-vous pas. Est-ce une entreprise que vous faites? Une entreprise pleine de craintes, pleine de misère et d'espérance. Je ne sais si je vis ou si je meurs. Comment j'ai osé vous parler, je n'en sais rien. Ma raison est perdue. J'aime, je souffre. Il faut que vous le sachiez, que vous le voyiez, que vous me plaigniez. Eh bien, ne va-t-il pas rester là 1 heure, ce méchant enfant obstiné? Allons, levez-vous, je le peux. Vous croyez donc à mon amour? Ah non, je n'y crois pas. Cela m'arrange de n'y pas croire. C'est impossible, vous n'en pouvez douter. Bah, on ne se prend pas si vite à 3 mots de galanterie. De grâce, jetez les yeux sur moi. Qui m'aurait apprise à tromper? Je suis un enfant né d'hier. Je n'ai jamais aimé personne, si ce n'est vous qui l'ignoriez. Vous faites la cour aux grises? Oh, je le sais comme si je l'avais vu. Vous vous moquez, qui a pu vous le oui, dire? Oui, oui, vous allez à la danse et au dîner sur le gazon. Avec mes amis le dimanche, quel mal y a-t-il à cela? Je vous l'ai déjà dit hier, cela se conçoit. Vous êtes jeune. Et à l'âge où le cœur est riche, on n'a pas les lèvres avares. Que faut-il faire pour vous convaincre? Je vous en prie, dites-le-moi. Vous me demandez là un joli conseil. Il faudrait le prouver. Seigneur, mon Dieu, je n'ai que des larmes. Les larmes prouvent-elles qu'on aime? Quoi, me voilà à genoux devant vous. Mon cœur, à chaque battement, voudrait s'élancer sur vos lèvres. Ce qui m'a jeté à vos pieds, c'est une douleur que je combats depuis 2 ans, qui m'écrase, que je ne peux plus contenir. Et vous restez froide et incrédule. Je ne puis faire passer en vous une étincelle du feu qui me dévore. Vous niez même ce que je souffre quand je suis prête à mourir devant vous. Ah, c'est plus cruel qu'un refus. C'est plus affreux que le mépris. L'indifférence elle-même peut croire. Je n'ai pas mérité cela. Oh, debout, debout, reviens. Je vous crois, je vous aime. Sortez par le petit escalier. Revenez en bas, j'y serai. Elle m'aime. Jacqueline m'aime. Elle s'éloigne. Elle me quitte ainsi. Oh, je ne puis descendre encore. Silence. On approche. Quelqu'un l'a arrêté. Vite, sortons. Oh, la porte est fermée du dehors. Je ne puis passer par là. Si je descends de l'autre côté, je vais sûrement rencontrer ceux qui viennent. C'est le capitaine qui monte avec elle. Comment faire? Cachons-nous vite et attendons. Il ne faut pas qu'on me voie ici. Fortunio se dissimule derrière la porte du petit cabinet. Parbleu, madame, je vous cherchais partout. Que faisiez-vous donc là, toute seule? Oh, Dieu soit loué, Fortunio est parti. Oh, vous me laissez dans un tête-à-tête qui n'est vraiment pas supportable. Qu'ai-je à faire avec maître André, je vous prie? Et justement, vous nous laissez ensemble, quand le vin joyeux de l'époux doit me rendre plus précieux l'aimable entretien de la femme. Ah, Voyons un peu, sans des anneaux. Dites-moi, quand voulez-vous faire? Est-ce que vous faites un cadeau? Vous savez bien que c'est notre fable. Mais en conscience, c'est de l'or. Si vous comptez tous les matins user du même stratagème, notre jeu finira bientôt par ne pas valoir la... Oh. À propos, que ce dîner m'a amusé, et quelle curieuse figure à notre jeune initié. La chaîne est belle, c'est un bijou de prix. Vous avez eu là une singulière idée. Comme il tremblait, le pauvre garçon, lorsqu'il a soulevé son verre, qu'il m'a réjoui avec ses coussins et qu'il faisait plaisir à voir. Vous rendrez ça, je suppose, au bijoutier qui l'a fourni. Sa chanson, surtout, m'a ravi, et maître André l'a bien remarqué. Il en avait, Dieu me pardonne, la larme à l'œil pour tout le bon. Du reste, il devient inutile de pousser les choses plus loin. À quoi bon un tir incommode si les soupçons ne reviennent pas? Ces maris ne manquent jamais d'adorer les amoureux de leur femme. Voyez un peu ce qui est arrivé. Du moment que l'on se fie à vous, il faut souffler sur le chandelier. Mais qui peut savoir ce qui arrivera? Avec ce caractère-là, il n'y a jamais rien de sûr. Il vaut mieux garder sous la main de quoi se tirer d'embarras. Je suis d'avis de le congédier. Oh, comme vous voudrez. Dans tout cela, ce n'est pas moi que je consulte. Quand le mal serait nécessaire, croyez-vous qu'il serait de mon choix? Mais qui sait si demain, ce soir, dans une heure, peut-être, ne viendra pas une bourrasque? Il ne faut pas compter sur le calme avec trop de sécurité. Tu crois? Bon, faites-en du reste ce qu'il vous plaira. Oh, il me semble qu'on a remué. Oui, j'ai cru entendre un soupir. Ah, c'est probablement Madeleine. Elle range dans le cabinet. Oh, monsieur, c'est Madeleine. Sang du Christ, il est son amant. Coin du jardin. Madame, un danger vous menace. Comme j'étais tout à l'heure dans la salle, je viens d'entendre maître André qui causait avec un de ses clercs. Autant que j'ai pu deviner, il s'agissait d'une embuscade qui doit avoir lieu cette nuit. Embuscade? Mais en quel lieu? Pourquoi faire? Dans l'étude. Le clerc affirmait que la nuit dernière, il vous avait vu, vous, madame, et un homme avec vous dans le jardin. Maître André jurait ses grands dieux qu'il voulait vous surprendre et qu'il vous ferait un procès. Tu ne te trompes pas, Madeleine? Madame fera ce qu'elle voudra. Je n'ai pas l'honneur de ces confidences. Cela n'empêche pas qu'on ne rende un service. J'ai mon ouvrage qui m'attend. Oui, c'est bon, et vous pouvez compter que je ne serai pas ingrate. Avez-vous vu Fortunio ce matin? Où est-il? J'ai à lui parler. Il n'est pas venu à l'étude. Le jardinier, à ce que je crois, l'a aperçu, mais on est en peine de lui et on le cherchait tout à l'heure de tous les côtés du jardin. Bon, va, va, Madeleine, va, tâche de le trouver. Que diantre se passe-t-il donc? Comment, moi qui ai quelques droits, je pense, à l'amitié de maître André, il me rencontre et ne me salue pas? Les clercs me regardent de travers, et je sais, si le chien, lui-même, ne voulait me prendre au talon, qu'est-il advenu, je vous prie? Et à quel propos maltraite-t-on les gens? Eh bien, nous n'avons pas sujet de rire. Ce que j'avais prévu arrive, et sérieusement cette fois. Nous n'en sommes plus aux paroles, mais à l'action. À l'action, que voulez-vous dire? Que ces maudits clercs font le métier d'espions, qu'on nous a vus. Que maître André le sait, qu'il veut se cacher dans l'étude et que nous courons les plus grands dangers. Oh, n'est-ce que cela qui vous inquiète? Mais assurément, que voulez-vous de pire? C'est qu'il n'y a rien de si simple que nous nous tirer d'embarras. Maître André, dites-vous, est furieux. Eh bien, qu'il craque, quel inconvénient. Il veut se mettre en embuscade, qu'il s'y mette. Il n'y a rien de mieux. Les clercs sont-ils de la partie? Qu'ils en soient toute la ville, si cela les peut divertir. Ils veulent surprendre la belle Jacqueline et son très humble serviteur. Eux, qu'ils surprennent. Je ne m'y oppose pas. Que voyez-vous là qui nous gêne? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Faites-moi venir Fortunio. Où est-il fourré, ce monsieur? Comment? Nous sommes en péril et le drôle nous abandonne. Allons vite, vite, avertissez-le. J'y ai pensé. On ne sait où il est et il n'a pas paru ce matin. Bon, cela est impossible. Il est par là, quelque part, dans vos hardes. Vous l'aurez oublié dans une armoire et votre servante l'aura par mégarde accroché au porte-manteau. Mais encore, en quoi peut-il nous être utile? J'ai demandé où il était sans trop savoir pourquoi moi-même. Mais je ne vois pas, en y réfléchissant, à quoi il peut nous être bon. Et ne voyez-vous pas que je m'apprête à lui faire le plus grand sacrifice? Il ne s'agit pas d'autre chose que de lui céder pour ce soir tous les privilèges de l'amour. Pour ce soir? Et dans quel dessein? Dans le dessein positif et formel que ce digne maître André et ses honnêtes clercs ne passent pas inutilement une nuit à la Belle Étoile. Alors, et s'il faut leur dépêcher quelqu'un... Non, ça ne sera pas. Vous avez là une idée horrible, je ne puis y consentir. Horrible? Rien n'est plus innocent. Vous écrivez un mot à Fortunio, si vous ne pouvez le trouver vous-même. Vous le faites venir ce soir sous prétexte d'un rendez-vous. Le voilà entré, les clercs le surprennent et maître André le prend au collet. Que voulez-vous qu'il lui arrive? Vous descendez là-dessus, en cornette, et demandez pourquoi on fait du bruit, le plus naturellement du monde. On vous l'explique. Maître André en fureur vous demande à son tour pourquoi son jeune clerc se glisse dans son jardin. Vous rougissez d'abord, quelque peu. Puis vous avouez sincèrement tout ce qu'il vous plaira d'avouer. Que ce garçon visite vos marchands, qu'il vous apporte en secret des bijoux, en un mot la vérité pure. Qu'y a-t-il là de si effrayant? On ne me croira pas. La belle apparence, que je donne des rendez-vous pour payer des mémoires. On croit toujours ce qui est vrai. La vérité a un accent impossible à méconnaître et les gens de cœur ne s'y trompent jamais. Mais n'est-ce donc pas en effet à vos commissions que vous employez ce jeune homme? Oui. Eh bien donc, puisque vous le faites, vous le direz et on le verra bien. Qu'il ait des preuves dans sa poche, un écrin comme hier, la première chose venue, cela suffira. Allons, allons, prenez-moi le crayon que voici. Vous n'y pensez pas, Clavaroche? C'est un guet-apens que vous faites là. Écrivez donc, je vous en prie. À minuit, ce soir, au jardin... Ne suivez pas, c'est inutile. C'est envoyer cet enfant dans un piège, c'est le livrer à l'ennemi. Franchement, ma chère, la nuit sera fraîche et vous ferez mieux de rester chez vous. Laissez ce jeune homme se promener seul et qu'il profite du temps qu'il fait. Je pense comme vous qu'on aurait peine à croire que c'est pour vos marchands qu'il vient. Vous ferez mieux, si on vous interroge, de dire que vous ignorez tout et que vous n'êtes pour rien dans l'affaire. Ce mot d'écrit sera un témoin. Sinon, nous autres gens de cœur, pensez-vous que nous allons montrer à un mari de l'écriture de sa femme? D'ailleurs, vous voyez bien que votre main tremblait un peu, sans doute, et ses caractères sont presque déguisés. Allons, je vais donner cette lettre au jardinier. Fortunio l'aura tout de suite. Venez, les vautours ont leur proie et l'oiseau de Vénus. La pâle tourterelle peut dormir en paix dans son nid. Rendre un jeune homme amoureux de soi... uniquement pour détourner sur lui les soupçons tombés sur un autre. Lui laisser croire qu'on l'aime, le lui dire au besoin. Troubler peut-être bien des nuits tranquilles. Remplir de doutes et d'espérances un cœur jeune et prêt à souffrir. Jeter une pierre dans un lac qui n'avait jamais eu encore une seule ride à sa surface. Exposer un homme aux soupçons, à tous les dangers de l'amour heureux, et cependant ne lui rien accorder, rester immobile et inanimé dans une œuvre de vie et de mort, tromper, mentir du fond du cœur, faire de son corps un appât, jouer avec tout ce qu'il y a de plus sacré sous le ciel, comme un voleur avec des dés pipés, voilà ce qui fait sourire une femme. Voilà ce qu'elle fait d'un petit air distrait. C'est ton premier pas, Fortunio, dans l'apprentissage du monde. Pense, réfléchis, compare, examine. Ne te presse pas de juger. Cette femme-là a un amant qu'elle aime. On la soupçonne, on la tourmente, on la menace, elle est effrayée. Elle va perdre l'homme qui remplit sa vie, qui est pour elle plus que le monde entier. Son mari se lève en sursaut, averti par un espion. Il la réveille. Il veut la traîner à la barre d'un tribunal. Sa famille va la renier. Une ville entière va la maudire. Elle est perdue et déshonorée. Et cependant, elle aime. Et ne peut cesser d'aimer. À tout prix, il faut qu'elle sauve l'unique objet de ses inquiétudes, de ses angoisses, de ses douleurs. Il faut qu'elle aime pour continuer de vivre et qu'elle trompe pour aimer. Elle se penche à sa fenêtre. Elle voit un jeune homme au bas. Qui est-ce? Elle ne le connaît pas. Elle n'a jamais rencontré son visage. Est-il bon ou méchant, discret ou perfide, sensible ou insouciant? Elle n'en sait rien. Elle a besoin de lui, elle l'appelle. Elle lui fait signe, elle ajoute une fleur à sa parure. Elle parle. Elle a mis sur une carte le bonheur de sa vie et elle joue à rouge ou noir. Si elle s'était aussi bien adressée à Guillaume qu'à moi, que serait-il arrivé de cela? Guillaume est un garçon honnête, mais qui ne s'est jamais aperçu que son cœur lui servit à autre chose qu'à respirer. Guillaume aurait été ravi d'aller dîner chez son patron, d'être à côté de Jacqueline à table, tout comme j'en ai été ravi moi-même. Mais il n'en aurait pas vu davantage. Il ne serait devenu amoureux que de la cave de Maître André. Il ne se serait pas jeté à genoux. Il n'aurait point écouté aux portes. C'eût été pour lui tout profit. Quel mal y eût-il eu alors qu'on se servit de lui à l'insu pour détourner les soupçons d'un mari? Aucun! Il eût paisiblement rempli l'office qu'on lui eût demandé. Il eût vécu heureux, tranquille, 10 ans sans s'en apercevoir. Jacqueline aussi eût été heureuse, tranquille, 10 ans sans lui dire un seul mot. Elle lui aurait fait des coquetteries. Il lui aurait répondu, mais rien n'eût tiré à conséquence. Et personne ne pourrait se plaindre le jour où la vérité viendrait. Pourquoi s'est-elle adressée à moi? Savait-elle donc que je l'aimais? Pourquoi moi plutôt qu'à Guillaume? Est-ce hasard? Est-ce calcul? Peut-être au fond se doutait-elle que je n'étais pas indifférent. M'avait-elle vu à cette fenêtre? S'était-elle jamais retournée le soir quand je l'observais dans le jardin? Mais si elle savait que je l'aimais, pourquoi alors? Parce que cet amour rendait son projet plus facile. Et que j'allais dès le premier mot me prendre au piège qu'elle me tendait. Mon amour n'était qu'une chance favorable. Elle n'y a vu qu'une occasion. Est-ce bien sûr? N'y a-t-il rien d'autre chose? Quoi? Elle voit que je vais souffrir. Et elle ne pense qu'à en profiter. Quoi? Elle me trouve sur ses traces l'amour dans le cœur, le désir dans les yeux. Jeune, ardent, prêt à mourir pour elle. Et lorsque me voyant à ses pieds, elle me sourit et me dit qu'elle m'aime. C'est un calcul et rien de plus. Rien, rien de vrai. Dans ce sourire, dans cette main qui m'effleure la main, dans ce son de voix qui m'enivre. Oh, Dieu juste, s'il en est ainsi, à quel monstre ai-je donc affaire? Et dans quel abîme suis-je tombé? Non, non, tant d'horreur n'est pas possible. Une femme ne saurait être une statue malfaisante, à la fois vivante et glacée, non. Non, quand je le verrai de mes yeux, quand je l'entendrai de sa bouche, je ne croirai pas à un pareil métier, non. Non, quand elle souriait, elle ne m'aimait pas pour cela. Mais elle souriait de voir que je l'aimais. Quand elle me tendait la main, elle ne me donnait pas son cœur. Mais elle laissait le mien se donner. Quand elle me disait « je vous aime », elle voulait dire « aimez-moi ». Non, il n'y a ni calcul, ni froideur. Jacqueline n'est pas méchante. Elle ment, elle trompe. Elle est femme, elle est coquette, railleuse, joyeuse, audacieuse, mais non infâme, non insensible. Insensé. Tu l'aimes, tu l'aimes. Tu pries, tu pleures et elle se rit de toi. Oh, Dieu merci, je vous trouve enfin. Madame vous demande d'aller dans sa chambre. Venez vite, elle vous attend. Sais-tu ce qu'elle a à me dire? Je ne saurais y aller maintenant. Vous avez donc affaire aux arbres? Elle est bien inquiète, allez, toute la maison est en colère. Vous voilà donc, monsieur, on vous cherche partout. Voilà un mot d'écrit pour vous que notre maîtresse m'a donné tantôt. À minuit, ce soir, au jardin. C'est de la part de Jacqueline? Oui, monsieur. Y a-t-il une réponse? Mais dis donc là, Fortunio, on te demande dans l'étude. J'y vais, j'y vais. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Quelle inquiétude à ta maîtresse? Oh, c'est un secret. Maître André s'est fâché. Il s'est fâché pour quelle raison? Il s'est mis en tête que madame recevait quelqu'un en secret. Oh. Vous n'en direz rien, n'est-ce pas? Il veut se cacher cette nuit dans l'étude. C'est moi qui ai découvert cela, et si je vous le dis, dame, c'est que je pense que vous n'y êtes pas indifférent. Pourquoi se cacher dans l'étude? Pour te surprendre et faire son procès. En vérité. Est-ce possible? Y a-t-il réponse, monsieur? J'y vais moi-même. Allons, partons. Jacqueline, dans sa chambre, attend Fortunio. Ah, donc cela ne sera pas. Qui sait ce qu'un homme comme Maître André, une fois poussé à la violence, peut inventer pour se venger? Je n'enverrai pas ce jeune homme à un péril si affreux. Ce clavaroche est sans pitié, tout est pour lui champ de bataille, et il n'a d'entrailles pour rien. À quoi bon exposer Fortunio lorsqu'il n'y a rien de si simple que de n'exposer ni soi, ni personne? Et je veux croire que tout soupçon s'évanouirait par ce moyen. Mais ce moyen lui-même est un mal et je ne veux pas l'employer. Non, cela me coûte et me déplaît. Je ne veux pas que ce garçon soit maltraité. Puisqu'il dit qu'il m'aime, eh bien, soit, je ne rends pas le mal pour le bien. On a dû vous remettre un billet de ma part. L'avez-vous lu? On me l'a remis et je l'ai lu. Vous pouvez disposer de moi. C'est inutile, j'ai changé d'avis. Déchirez-le et n'en parlons plus. Puis-je vous servir à quelque autre chose? C'est singulier, il n'insiste pas. Mais non, je n'ai pas besoin de vous. Ah, je vous avais demandé votre romance. La voilà. Sont-ce tous vos ordres? Oui, enfin, je crois que oui. Qu'avez-vous donc? Vous êtes pâle, ce me semble. Si ma présence vous est inutile, permettez-moi de m'en tirer. Je l'aime beaucoup, cette chanson. Elle a un petit air naïf qui va avec votre coiffure. Et elle est bien faite par vous. Vous avez beaucoup d'indulgence. Et oui, voyez-vous, j'avais eu d'abord l'idée de vous faire appeler, mais j'ai réfléchi, c'est une folie. Je vous ai trop vite écouté. Alors, mettez-vous là et chantez-moi votre romance. Excusez-moi, je ne saurais maintenant. Et pourquoi donc? Êtes-vous souffrant ou si c'est un méchant caprice? J'ai presque envie de vouloir que vous chantiez bon gré mal gré. Est-ce que je n'ai pas quelques droits de seigneur sur cette feuille de papier-là? Ce n'est pas mauvaise volonté, je ne puis rester plus longtemps et maître André a besoin de moi. Il me plaît assez que vous soyez grondé. Alors, asseyez-vous là et chantez. Si vous l'exigez, j'obéis. Eh bien, à quoi pensez-vous donc? Est-ce que vous attendez qu'on vienne? Je souffre, ne me retenez pas. Chantez d'abord, nous verrons ensuite si vous souffrez ou si je vous retiens. Chantez, vous dis-je. Je le veux. Eh bien, voyons, que fait-il donc? Allons, si vous chantez, je vous donne le bout de ma mitaine. Tenez, Jacqueline, écoutez-moi. Vous auriez mieux fait de me le dire. Et j'aurais consenti à tout. Mais qu'est-ce que vous dites? De quoi parlez-vous? Oui, vous auriez mieux fait de me le dire. Oui, devant Dieu, j'aurais tout fait pour vous. Tout fait pour moi? Qu'entendez-vous par là? Ah, Jacqueline. Jacqueline. Il faut que vous l'aimiez beaucoup, il doit vous en coûter de mentir et de railler ainsi sans pitié. Moi, je vous râle, qui vous l'a dit? Je vous en supplie, ne mentez pas davantage, voilà assez, je sais tout. Mais enfin, qu'est-ce que vous savez? J'étais hier dans votre chambre lorsque Clavaroche était là. Est-ce possible? Vous étiez dans l'alcôve? Oui, j'y étais. Au nom du ciel, ne dites pas un mot là-dessus. Puisque vous savez tout, monsieur, il ne me reste maintenant qu'à vous prier de garder le silence. Je sens assez mes torts envers vous pour ne pas même vouloir tenter de les affaiblir à vos yeux. Ce que la nécessité commande et ce à quoi elle peut entraîner un autre que vous comprendrez peut-être et pourrait, sinon pardonner, du moins excuser ma conduite. Vous êtes malheureusement une partie trop intéressée pour en juger avec indulgence. Je suis résignée et j'attends. N'ayez aucune espèce de crainte. Si je fais rien qui puisse vous nuire, je me coupe cette main-là. Il me suffit de votre parole et je n'ai pas le droit d'en douter. Je dois même dire que si vous l'oubliez, j'aurais encore moins le droit de m'en plaindre. Mon imprudence doit porter sa peine. C'est sans vous connaître, monsieur, que je me suis adressée à vous. Si cette circonstance rendait ma faute moindre, elle rendait aussi mon danger plus grand. Puisque je m'y suis exposée, traitez-moi donc comme vous l'entendrez. Quelques paroles échangées hier voudraient peut-être une explication. Ne pouvant tout justifier, j'aime mieux me taire sur tout. Laissez-moi croire que votre orgueil est la seule personne offensée. Si cela est que ces deux jours s'oublient, plus tard, nous en reparlerons. Jamais. C'est le souhait de mon cœur. Comme vous voudrez. Je dois obéir. Si cependant je ne dois plus vous voir, j'aurais un mot à ajouter. Au de vous à moi, je suis sans crainte puisque vous me promettez le silence, mais il existe une autre personne dont la présence dans cette maison pourrait avoir des suites fâcheuses. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ah, je vous demande de m'écouter. Un éclat entre vous et lui, vous le sentez, est fait pour me perdre. Je ferai tout pour le prévenir. Quoi que vous puissiez exiger, je m'y soumettrai sans murmure. Non, ne me quittez pas sans y réfléchir. Dictez vous-même les conditions. Faut-il que la personne dont je parle s'éloigne d'ici pendant quelque temps? Faut-il qu'elle s'excuse près de vous? Ce que vous jugerez convenable sera reçu par moi comme une grâce et par elle comme un devoir. Oui, le souvenir de quelques plaisanteries m'oblige à vous interroger sur ce point. Que décidez-vous? Répondez. Rien. Je n'exige rien. Vous l'aimez. Soyez en paix tant qu'il vous aimera. Je vous remercie de ces deux promesses. Mais je vous répète que si vous veniez à vous en repentir, toutes conditions seraient reçues et imposées par vous. Comptez sur ma reconnaissance. Puis-je dès à présent réparer autrement mes torts? Est-il à ma disposition quelques moyens de vous obliger? Quand vous ne devriez pas me croire, je vous avoue que je ferai tout au monde pour vous laisser de moi un souvenir moins désavantageux. Que puis-je faire? Je suis à vos ordres. Rien. Adieu, madame. Soyez sans crainte. Vous n'aurez jamais à vous plaindre de moi. Cette romance. Et qu'offrez-vous, cruel que vous êtes? Vous me parlez depuis un quart d'heure et rien du cœur ne vous sort des lèvres. Il s'agit bien de vos excuses, de sacrifices et de réparations. Il s'agit bien de votre Clavaroche et de sa sotte vanité. Il s'agit bien de mon orgueil. Vous croyez donc l'avoir blessé? Vous croyez que ce qui m'afflige, c'est d'avoir été pris pour dupe et plaisanté à ce dîner? Je ne m'en souviens seulement pas. Quand je vous dis que je vous aime, vous croyez donc que je n'en sens rien? Quand je vous parle de 2 ans de souffrance, vous croyez donc que je fais comme vous? Et quoi, vous me brisez le cœur, vous prétendez vous en repentir, et c'est ainsi que vous me quittez? La nécessité, dites-vous, vous a fait commettre une faute et vous en avez du regret. Vous rougissez, vous détournez la tête. Ce que je souffre vous fait pitié, vous me voyez, vous comprenez votre œuvre. Et la blessure que vous m'avez faite, voilà comme vous la guérissez. Ah, elle est au cœur, Jacqueline. Et vous n'aviez qu'à tendre la main, je vous le jure. Quelque honteux qu'il soit de le dire, quand vous en souririez vous-même. J'étais capable de consentir à tout. Ah, ah, Dieu. Ah, la force m'abandonne. Oh, je ne pourrais sortir d'ici, non, non. Gardez-les pour lui, ces soins dont je ne suis pas digne. Ce n'est pas pour moi qu'ils sont faits. Je n'ai pas l'esprit inventif, je ne suis ni heureux, ni habile. Je ne saurais à l'occasion forger un profond stratagème. Insensé. J'ai cru être aimé, oui, parce que vous m'aviez souri. Parce que votre main tremblait dans la mienne, parce que vos yeux semblaient chercher mes yeux et m'inviter comme 2 anges à un festin de joie et de vie. Parce que vos lèvres s'étaient ouvertes et qu'un vain son en était sorti. Oui, j'avoue, j'avais fait un rêve. J'avais cru qu'on aimait ainsi. Quelle misère! Est-ce à une parade que votre sourire m'a félicité de la beauté de mon châle? Est-ce le soleil tardant sur mon casque qui vous avait ébloui les yeux? Je sortais d'une salle obscure, d'où je suivais depuis 2 ans vos promenades dans une allée. J'étais un pauvre clerc qui s'ingérait de pleurer en silence. C'était bien là ce qu'on pouvait aimer. Pauvre enfant. Oui, pauvre enfant. Dites-lui encore, car je ne sais si je rêve ou si je veille. Et malgré tout, si vous ne m'aimez pas. Depuis hier, je suis assis à terre, je me frappe le cœur et le front, je me rappelle ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu. Et je me demande si c'est possible. Alors qu'il est, vous me le dites, je le sens, j'en souffre, j'en meurs et je n'y crois ni ne le comprends. Que vous avais-je fait, Jacqueline? Comment se peut-il que sans aucun motif, sans avoir pour moi ni amour, ni haine, sans me connaître, sans m'avoir jamais vu, comment se peut-il que vous, que tout le monde aime, vous que j'ai vu faire la charité, arroser ses fleurs, que voilà, vous qui êtes bonne, qui croyez en Dieu, à qui jamais... Ah, si je vous accuse, vous que j'aime, puisque ma vie, vous êtes un proche, Jacqueline, pardonnez-moi, et à quoi suis-je, mon grand Dieu, sinon à vous donner ma vie, sinon au plus chétif usage que vous voudrez faire de moi, sinon à vous suivre, à vous préserver, à écarter de vos pieds une épine. J'ose me plaindre. Et vous m'aviez choisi. Ma place était à votre table. J'allais compter dans votre existence. Vous alliez dire à la nature entière, à ses jardins, à ses prairies, de me sourire comme vous. Votre belle et radieuse image commençait à marcher devant moi. Et je la suivais, j'allais vivre. Est-ce que je vous perds, Jacqueline? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que vous me chassiez? Pourquoi ne voulez-vous pas faire encore semblant de m'aimer? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Fortunio! Fortunio! Ah, Fortunio, revenez à vous. Qui êtes-vous? Ah, je vous en prie, posez-vous sur mon épaule. Non, venez à la fenêtre. Je vous en supplie, Fortunio. Ce n'est rien de vos larmes. Oh, comme il est pâle, comme son cœur bat. Mais vous, voulez-vous vous mouiller les tempes? Enfin, vous suis-je tellement odieuse que vous me refusiez cela? Je sens mieux, je vous remercie. Comme son cœur bat, comme ses mains sont glacées. Mais vous ne pouvez sortir en ce moment, Fortunio, puisque je vous fais tant souffrir. Laissez-moi du moins vous soigner. C'est inutile, il faut que je descende. Pardonnez-moi ce que j'ai pu vous dire, je n'étais pas maître de mes paroles. Que voulez-vous que je vous pardonne? Hélas, c'est vous qui ne pardonnez pas. Mais où allez-vous? Qui vous presse? Vos regards cherchent quelque chose. Ne m'en connaissez-vous pas? Arrêtez en repos, je vous en conjure. Pour l'amour de moi, Fortunio, vous ne pouvez sortir encore. Non, adieu, je ne puis rester. Oh, je vous ai fait bien du mal. On me demandait quand je suis monté. Adieu, madame, comptez sur moi. Vous reverrai-je? Si vous voulez. Montrez-vous ce soir au salon? Si cela vous plaît. Vous partez donc? Encore un instant. Adieu, adieu, je ne puis rester. Ah, Fortunio, écoutez-moi. Ah, écoutez-moi, il faut que vous m'écoutiez. Je ne veux pas vous demander pardon, je ne veux revenir sur rien. Vous êtes bon, brave et sincère. J'ai été fausse et déloyale. Non, je ne veux pas vous quitter ainsi. Je vous pardonne de tout mon cœur. Non, vous souffrez, le mal est fait. Mais où allez-vous? Comment se peut-il, sachant tout, que vous soyez revenu ici? Vous m'aviez fait demander. Mais vous veniez pour me dire que je vous verrai à ce rendez-vous. Est-ce que vous y seriez venu? Oui, si c'était pour vous rendre service, et je vous avoue que je le croyais. Comment? Pour me rendre service? Madelon m'a dit quelques mots. Comment vous le saviez, malheureux? Et vous veniez à ce jardin? Le premier mot que je vous ai dit de ma vie, c'est que je mourrais de bon cœur pour vous, et le second, c'est que je ne mentais jamais. Vous le saviez, vous veniez... Mais songez-vous à ce que vous dites, il s'agissait d'un guet-apens. Je savais tout. Il s'agissait d'être surpris, d'être tué, peut-être traîné en prison, que sais-je, moi. C'est horrible à dire. Je savais tout. Oh, vous saviez tout. Vous saviez tout. Vous étiez caché là, hier, dans cette alcôve, derrière ce rideau. Vous écoutiez, n'est-il pas vrai? Vous saviez encore tout, n'est-ce pas? Oui. Vous saviez que je mens, que je trompe, que je vous raille et que je vous tue. Vous saviez que j'aime Clavaroche et qu'il me fait faire tout ce qu'il veut. Que je joue une comédie, que là, hier, je vous ai pris pour dupe. Que je suis lâche et méprisable. Que je vous expose à la mort par plaisir. Vous saviez tout. Vous en étiez sûr. Eh bien, qu'est-ce que vous savez maintenant? Mais Jacqueline, je crois, je sais. Sais-tu que je t'aime? Enfant que tu es, qu'il faut que tu me pardonnes ou que je meure, et que je te le demande à genoux. Au ciel, nous voilà tous joyeux, tous réunis, tous amis. Si je doute jamais de ma femme, puisse mon vin m'empoisonner. Servez-moi donc à boire, monsieur Fortunio. Je vous répète que votre clerc m'ennuie. Faites-moi la grâce de le renvoyer. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Quand je pense qu'hier, j'ai passé la nuit dans l'étude à me morfondre sur un maudit soupçon. Je ne sais de quel nom m'appeler. Monsieur Fortunio, donnez-moi ce coussin. Me prenez-vous pour un autre maître André? Si votre clerc ne sort de la maison, j'en sortirai tantôt moi-même. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais je l'ai conté à tout le monde. Il faut que justice se fasse ici-bas, et toute la ville sera qui je suis. Et désormais, pour pénitence, je ne douterai de quoi que ce soit. Monsieur Fortunio, je bois à vos amours. Voilà assez, Jacqueline, et je comprends ce que cela signifie. Ce n'est pas cela ce que je vous ai dit. Eh oui, aux amours de Fortunio. Amis, buvons sans cesse. Cette chanson-là est bien vieille. Chantez donc, monsieur Clavaroche. Oh. Thank you. venez d'entendre le chandelier d'Alfred de Musset avec la distribution suivante que nous vous rappelons. Maurice Escande, Clavaroche, Julien Berthaud, Fortunio, Louis Seigné, Maître André, Henri Marchand, le jardinier, Georges Poulot, le récitant, Teddy Billis, Guillaume, Tony Jacquot, Landry, et Mademoiselle Moni Dalmès, Jacqueline, Micheline Boudet, Madelon. La partition de Jacques Hibert a été exécutée par l'orchestre de la Comédie-Française sous la direction de son chef André Jolivet.